Bonsoir Marie-Hélène, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Paru 9 ans après les mystères de Paris, Récit des temps mérovingiens d'Augustin Thierry reste facile à dénicher au détour d'une brocante. Il faut dire que depuis 1840, il a bercé la lecture de générations d'écoliers. Augustin Thierry a déposé dans son ouvrage, par les préceptes et par l'exemple, les lois de l'histoire nationale, telles qu'il convient de l'écrire pour tout homme libre. On sait quel succès a couronné cette tentative hardie, dont le moindre mérite a été de fixer dans les mémoires cette histoire auparavant si aride et si rebutante de la race de Clovis. Ainsi, la critique saluait-elle l'œuvre. Pour autant, qui se souvient aujourd'hui de leur généalogie ? Childéric, fils de Mérové, Chilpéric, fils de Clotaire. Les temps mérovingiens sont jusqu'au 13 février le titre d'une très belle exposition au musée de Cluny, musée qui se consacre au monde médiéval. Grégoire de Tours, Dagobert, Childéric, à défaut d'Augustin Thierry, Saint-Augustin, Bathilde ou Radegonde, y sont rassemblés au travers d'œuvres d'exception. Pour découvrir les successeurs de Mérové et peut-être les racines de la nation, j'ai rencontré au musée de Cluny Isabelle Bardiès-Fronty, conservateur en chef et commissaire de l'exposition. Il y a des dates qui marquent. 476 en est une. Il y a 1540 ans, un usurpateur, Romulus Augustus, dit Augustulus, le petit Auguste, est destitué. Avec lui s'effondre l'Empire romain d'Occident. Isabelle Bardiès-Fronty, s'agit-il là de la fin d'un monde ? Oui et non. On ne peut pas nier l'importance de cette date, mais en même temps, c'est pas du tout la fin d'un monde. Le monde tardo-antique, c'est le monde du début du Moyen-Âge. C'est un peu le sujet de notre exposition, du point de vue très artistique, mais on illustre que, en fait, de fin de monde, c'est une forme de continuité, une transition qui s'opère avec évidemment des différences, mais c'est tout sauf la fin d'un monde. C'est-à-dire qu'on va se revendiquer de la Rome antique ? Se revendiquer, le mot me semble trop fort, mais on va reprendre là où on en est resté, dans plein d'aspects. Dans l'aspect de la vie administrative, la vie militaire, l'exercice du pouvoir, tout simplement. Et puis, du point de vue artistique, il y a une fusion qui s'opère entre certaines traditions qui viennent depuis des siècles, petit à petit, vers l'Occident, qui sont ces migrations, et non pas ces invasions, des peuples venus de l'Est, et la réception immense de ce que l'Antiquité offre aux yeux de tous qui sont là, dans l'espace. L'entrée du Moyen-Âge a été beaucoup discutée sur le plan historiographique. Ainsi, nous avons 451, 476, 511, 512, voire 536. Moi, je garderais bien 476 pour rester simple. 451, c'est les champs cataloniques, principalement. C'est vrai que c'est un moment très important aussi pour aller contre l'idée de ces barbares qui, brusquement, en 476, sont dans l'Empire, puisque, en fait, ça fait bien longtemps qu'ils y sont, dans la mesure où les Romains, de toute façon, à partir du moment où on est à l'intérieur du Limès, on est Romain. Mais 476 me semble la date la plus cohérente, puisqu'on parle de ce tournant. Restons-y, parce qu'on le voit bien, avec toutes les propositions que vous me faites, que sinon, toute date peut être revendiquée, argumentée. Moi, je resterai pour la simplicité événementielle. L'histoire et nos historiens n'ont pas été tendres avec cette première dynastie du Moyen-Âge, une période honteuse de notre roman national, les rois fainéants, une sorte de légende noire. Oui, évidemment. Il y a un folklore autour de ces rois mérovingiens qui est alimenté tout de suite après leur destitution par les Carolingiens. Mais les historiens du 19e véhiculent énormément de traditions noires sur ces rois. Alors, si on regarde dans l'exposition notre arbre généalogique, il faut dire que c'est pas mal. Celui qui arrive à l'appréhender en moins de 30 secondes, il est très très fort. C'est vrai qu'il y a une sorte de désordre quand on regarde l'histoire linéaire. C'est vrai aussi qu'il y a des légendes qui sont peut-être fondées sur des réalités de rois enfants, de troubles importants. Mais évidemment, le 19e a beaucoup contribué à cette fausse vision de la période concernée. Pourquoi, alors que l'Empire carolingien va être magnifié ? Alors, à mon avis, parce que justement, les Carolingiens reprennent la main de l'histoire antique dans cette renaissance carolingienne et contribuent fortement dans leurs sources qui ont éminemment nourri les historiens du 19e à déjà délégitimiser leurs prédécesseurs, puisqu'ils leur ont pris le pouvoir par le mode du coup d'État. Donc tout est inscrit déjà, dès le tournant de l'an 1000, pour occuper ces trois premiers siècles du Moyen-Âge comme des âges de transition très sombres, avec des peuples barbares, entre guillemets. Et puis au 19e, la redécouverte de cette période véhicule et rajoute par le folklore, et il y a une dimension très anti-royaliste aussi chez les historiens du 19e qui écrivent des choses sur le roi Dagobert. Il ne faut jamais oublier qu'on est dans un moment très proche de la Révolution française. Donc il y a aussi un discours politique qui est lié à l'histoire récente de France. Pourtant, la noblesse française va se revendiquer des Francs et les autres des Gaulois. Mais justement, on est au cœur de ce que je viens de vous dire, et ils vont se revendiquer des Francs. Mais au-delà de la noblesse française, parlons de Napoléon, qui va choisir comme emblème une petite abeille, pense-t-il, mais peut-être plutôt une cigale, en tout cas c'est ce qu'on propose dès la première vitrine de l'exposition, comme symbole de son empire. Et de la même manière, il est le dernier à poser son fessier sur le trône de Dagobert. Il y a une forme de revendication de cette tradition chez Napoléon qui montre que c'est beaucoup plus complexe que cela et qu'au-delà de la noblesse, il y a une forme d'exercice du pouvoir qui se revendique depuis Clovis, finalement, dont le père est Childéric. Certaines découvertes furent trop précoces, celle de la tombe de Childéric, mort en 481 et trouvée à Tournai en 1653, le fut assurément. Vous présentez ce qui nous est parvenu, ce que l'histoire nous a laissé, à savoir presque une unique dent royale. Alors oui, il est un conservateur du musée de Tournai, j'ai oublié son nom là présentement, qui est décédé aujourd'hui, qui a longtemps dirigé le musée de Tournai et qui a écrit un petit opuscule qui s'appelle « Le lamentable destin du trésor de Childéric ». Il prend acte de tout ce que vous dites à l'instant, car en effet, la découverte est trop précoce, au sens où la découverte n'est pas archéologiquement bien documentée. Il y a eu une sacrée séance de rattrapage dans les années 90-2000, là aussi j'ai oublié précisément la date, mais c'est récent, puisqu'on a refouillé à côté de l'église Saint-Brice à Tournai le contexte de la tombe de Childéric, qui était un tumulus, et on a trouvé notamment les chevaux qui ont été sacrifiés au moment de sa mort et qui sont présentés au musée de Tournai aujourd'hui. Vous pouvez, si vous visitez Tournai, ce très beau musée archéologique, voir cela. Sinon, ils ont des copies des objets de la tombe de Childéric, donc ça c'est la première chose qui a été évidemment regrettable, comme toutes les découvertes très anciennes. Mais au-delà de ça, il y a eu comme cet ensemble a été remis en cadeau diplomatique à Louis XIV, très peu de temps après la découverte, et a intégré le cabinet royal, ensuite cabinet des médailles, il y a eu en 1831 un cambriolage majeur dans ce cabinet qui a valu au cabinet royal des médailles de perdre énormément de choses en or, pas seulement le trésor de Childéric, mais là le trésor de Childéric s'est trouvé totalement dépouillé. Moi, je ne crois pas qu'on ait volé aucune dent, c'est la molaire unique de Childéric. Mais par contre, quand vous regardez la vitrine qui est ici présentée au musée de Cluny, c'est la totalité de ce qui nous reste d'un trésor beaucoup plus important. Je prends un exemple numérique, deux abeilles contre près de 150. La petite chance qu'on ait, c'est qu'au XVIIIe siècle, quelqu'un qui s'appelait Chifflet a catalogué et a fait graver une partie des objets. C'est ainsi que la fameuse fibule de type tournée, donc Childéric, que nous montrons, est une fibule qui vient d'une fouille italienne du musée du Louvre, parce que la bonne, elle a disparu à l'occasion de ce cambriolage, mais nous la connaissons grâce à la gravure. De la même manière, l'anneau qui a permis d'identifier formellement Childéric est une galvanoplastie du XVIIIe siècle, puisque l'anneau original a été volé en 1831. Alors, à regarder ce qui nous reste de cette tombe de Childéric, on dirait que tout est rouge et or. Oui, il y a aussi un petit peu de transparent avec cette fabuleuse boule en cristal de roche qui était sur son sceptre, probablement. On voit ça sur certains diptyques consulaires. Alors, rouge et or, oui, avec l'arrivée de cette technique extraordinaire qui est née sur les pourtours de la mer Noire et qui avance peu à peu vers l'ouest, qui est la technique du cloisonné, qui consiste avec une fine cloison d'or à incruster entre les cloisons du grenat, le rouge, lequel grenat vient de très loin. Les routes commerciales étaient fortes dans tous les matériaux. Et là, on pointe, grâce aux analyses récentes, une provenance pour ces grenats du 6e siècle, soit du Sri Lanka, soit du Rajasthan, c'est-à-dire le sous-continent indien. Au 7e siècle, les grenats de Bohême interviennent également dans l'art des orfèvres mérovingiens, mais au 6e siècle, c'est vraiment une provenance du monde indien. On aura du verre ensuite ? On a du verre au temps mérovingien, parce que l'héritage antique est important, et dans cet héritage antique, il y a la tradition du verre, extraordinairement bien représentée dans l'Empire romain, et les grands ateliers de verriers mérovingiens se positionnent à peu près aux mêmes endroits, c'est-à-dire préférentiellement dans les zones de fabrication de verre vers l'Allemagne et l'est de la France. Cet art des temps mérovingiens est-il un art barbare, décadent, ou tout au contraire un art primitif ? Alors c'est un art primitif, en effet, muni d'une tradition, notamment dans le champ de l'orfèvrerie, mais aussi dans le champ des choix iconographiques immenses, artistiquement parlant, prenant réception au sens plein du terme de la tradition antique, les Mérovingiens créent un art qui leur est propre. C'est tout le sujet de notre exposition, de tenter une définition de cet art mérovingien, de cette esthétique mérovingienne. Quelle définition donneriez-vous de cet art, justement ? Alors, je trouve que c'est un art qui est tout sauf régression. Vous avez signalé le mot barbare à ne surtout pas employer, parce qu'en fait, de toute façon, c'est un contresens dans la manière où l'emploie la plupart du temps les gens pour cette période, mais singulièrement pour cet art. Parce qu'en effet, au premier regard, il peut sembler, pour quelqu'un qui est nourri de cette idée que le sommet de l'art, c'est le mimétisme, ce qui est la grande affaire du monde antique, depuis les Grecs. L'art le plus parfait, c'est l'œuvre qui nous trompe au point qu'on ne sait pas qui est réel et qui est créé. C'est pas forcément une définition de l'art, et de toute façon dans l'art il n'y a pas de régression, il n'y a pas de progrès. Les historiens de l'art sont malades d'avoir encore souvent ce réflexe. Et l'art mérovingien nous permet de mettre les pendules à l'heure, parce que c'est pas parce que les choses sont représentées de manière moins naturaliste qu'elles en sont moins artistiques. Et pour en venir précisément à votre question, je pense que c'est ça le secret de l'art mérovingien, c'est que les artistes vont mettre très en avant la force du symbole, que ce soit celui de la croix ou l'impact d'un détail, pour un ensemble dont le moindre naturalisme permet de servir le vrai geste artistique, qui est de pointer notre regard sur un point focal, que ce soit une croix ou que ce soit l'expression très raffinée d'un grenat monté en batte dans une black book qui par ailleurs sinon est assez rustique entre guillemets. Les thèmes, ce sont des thèmes en général qui sont animaliers, voire cruciformes. Il y a beaucoup de thèmes animaliers dans l'art mérovingien, par toutes les influences qui le nourrissent, mais également ce symbole de la croix, c'est un peu le triomphe de la croix à la période mérovingienne, parce qu'il y a tout un ensemble d'œuvres artistiques qui accompagnent l'extraordinaire politique de construction de monastères et d'églises, et partant, évidemment, ce symbole de la croix est très haut porté par les artistes mérovingiens. C'est aussi des aigles, on en a beaucoup. Le symbole aquiliforme, qui appartient presque à toutes les civilisations comme symbole de pouvoir, est très présent dans le royaume franc, mais dans tous les royaumes environnants. Nous montrons dans l'exposition, par exemple, les fibules aquiliformes de Castel Sagra, qui sont visigothiques. Et nous montrons aussi toutes les variations de petits oiseaux qui procèdent, un peu comme les abeilles de Childéric procèdent des cigales, ces petits oiseaux procèdent du symbole de l'aigle, qui est le symbole impérial par excellence. Ce premier Moyen-Âge, c'est l'avènement du christianisme, une religion qui est omniprésente dans l'art de cette époque ? C'est une religion omniprésente, même s'il existe des œuvres qui se réfèrent à la présence de la religion juive, et même on a découvert récemment dans le sud-ouest de la France des tombes musulmanes du 7e siècle. Ça serait juste de dire qu'il y a une sorte de forme de pluralité, mais l'immense majorité est accordée à l'art chrétien dans la commande artistique. C'est très simple, les rois fondent leur légitimité sur leur christianisme revendiqué comme tel. Donc partant, c'est un des points absolument essentiels des enjeux artistiques des temps mérovingiens. Ce ne sont pas vraiment des créations, il y a des sanctuaires paléo-chrétiens qui précèdent, mais c'est vrai qu'il y a ne serait-ce que l'extraordinaire politique de construction des monastères, en partie liée au prosélytisme des moines venus du monde insulaire. Je pense à Luxeuil, par exemple, fondé par Saint Colomban, et les abbayes fondées d'après ces premières abbayes. C'est un des faits majeurs de l'époque mérovingienne. Vous me parliez des chevaux de la tombe de Childéric. C'est une chose assez fréquente de se faire enterrer quand on est roi avec ses chevaux ? C'est relayé dans toute l'Europe de l'Est sur des tombes qui précèdent largement celles de Childéric. Oui, c'est une tradition, le tumulus et l'ensemble, et qui forment une sorte de logique de symbole du pouvoir avec le symbole du cheval. Cette foi chrétienne, comment est-elle émergée ? Une fois de plus par les élites ? Bon, probablement. Et puis par les textes, on a présent dans l'exposition plusieurs manuscrits qui sont montrés non seulement pour leur qualité de calligraphie et de peinture d'enluminure, mais également pour l'importance des textes. Et je pense singulièrement à saint Augustin et à saint Jérôme, qui sont ces pères de l'Église qui appartiennent au temps antique encore. Saint Augustin, on ne peut pas faire plus grand écrivain, plus grand penseur et homme de l'élite absolue. Et évidemment, ce genre de textes sont véhiculés par l'élite. Et j'allais dire, comme d'habitude, la conversion de l'ensemble de la population vient de l'élite et c'est pas l'inverse. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Avançons un peu dans l'exposition et revisitons notre histoire. Le trône de Dagobert en est assurément un très beau symbole. Oh, plutôt oui, jusqu'à les inconnus qui l'accompagnent. Cette extraordinaire chaise pliante antique qui est composée à l'image des trônes antiques, et ça on en a la preuve par l'image, grâce par exemple au diptyque consulaire où on voit les consuls en train d'assister au jeu sur des trônes qui sont des sièges qui sont c'est pas vraiment un trône. De toute façon, il n'a jamais pu être un trône dans l'abbaye de Saint-Denis. Il est un siège, on le sait, à partir d'une période très haute, sur lequel le roi et le dernier d'entre eux fut Napoléon, qui recevait dans des positions diplomatiques dans l'abbaye de Saint-Denis. Il est dit trône de Dagobert grâce à l'abbé Suger, qui dit qu'il restaure un trône qui était celui de Dagobert et qui rappelle que Saint-Éloi en avait composé deux, l'un en argent et l'un dit doré, donc ça se prêterait éventuellement à un siège en bronze. Il est d'ailleurs beaucoup plus doré qu'il ne l'était il y a encore quelques semaines parce qu'il a été restauré à l'occasion d'exposition. Et donc cette tradition est ancrée assez tôt puisqu'elle date de Suger, mais en même temps le doute est permis sur la réalité de cette légende. N'a-t-il pas été plutôt fait à l'époque carolingienne où l'on sait que l'abbaye de Saint-Denis bénéficie d'énormément de dons divers de la dynastie carolingienne. Et nous sommes en cœur de votre première question, qui est qui a construit la mémoire des Mérovingiens ? Ce sont beaucoup les Carolingiens. Pour le pire, quand ils disent que leurs prédécesseurs, vraiment, ça n'allait pas du tout et qu'heureusement ils ont fait le coup d'État. Mais aussi pour le meilleur, quand ils construisent dans les trésors la mémoire de leurs prédécesseurs. Comme quoi on a toujours besoin de trouver sa lignée et comme quoi l'héritage de Mérové, ça pouvait leur convenir à certains moments. Alors Dagobert, c'est celui qui est le premier à se faire inhumer auprès de Saint-Denis, dans l'abbaye. C'est pour ça qu'il a cette importance à Saint-Denis. Il n'en est pas le fondateur, mais il est celui qui crée la tradition de la nécropole royale dans l'abbaye. Si ce trône est parvenu jusqu'à nous, c'est justement parce qu'il a été conservé dans une abbaye ? Probablement. Les trésors d'église sont les plus beaux conservatoires qui soient. Et c'est pourquoi notre regard porté sur les périodes anciennes est extrêmement déformé jusqu'à ce qu'il y ait enfin une pratique de l'archéologie qui nous permette de trouver par l'archéologie funéraire de nouvelles données. Mais très longtemps, et les salles de musée en témoignent, les objets qu'ont gardés les périodes les plus anciennes sont ceux qui étaient conservés dans les trésors d'église. On serait face à l'œuvre d'un personnage important, Éloi ? Si on accompagne Suger, on serait face à l'œuvre de l'orfèvre de Dagobert, puisque ça... En même temps, on est face à une œuvre qui date du premier millénaire. Au plus récent qu'elle puisse être, elle est carolingienne. On a pensé avec nos collègues du cabinet des médailles, éventuellement à l'analyse des bronzes, en confrontation avec ceux d'Aix-la-Chapelle, où là, les datations sont très précises autour de l'art carolingien. Mais tout ça ne fonctionne pas encore assez bien, scientifiquement parlant. Donc il faut qu'on accepte que ça soit un trône qui est soit mérovingien, soit carolingien. Est-ce qu'il a été très restauré ? Alors, Suger nous dit qu'il le fait, et on a des traces de restauration jusqu'au 19e. Il est bidouillé tout le temps, mais c'est un peu normal, il faut s'asseoir dessus, donc il faut un peu le remanier. Mais là, il y a une base en bronze qui est indéniablement une base très très ancienne et qui rend cet objet fascinant. Il est un symbole de l'histoire de France à sa manière. C'est aussi la baignoire de porphyre libyen de Dagobert qui se trouve juste à côté. C'est un peu la même histoire et c'est peut-être les mêmes acteurs, puisqu'effectivement cette baignoire en porphyre, le porphyre est un matériau exclusivement pour l'empereur. Ce qui fait qu'en fait on a, si mon calcul est bon, à peu près de tête comme ça, 7 thermes de Rome candidats pour être ceux qui ont accueilli dans la première utilisation cette baignoire, puisqu'on ne peut pas imaginer qu'une baignoire en porphyre soit en dehors d'un des thermes impériaux de Rome. Quand est-elle venue dans l'abbaye ? Alors, la légende nous dit, mais c'est une légende relayée seulement à partir du XVe siècle, que c'est Dagobert qui la prélève, non pas à Rome, mais dans l'église Saint-Hilaire de Poitiers. Ensuite, on nous dit aussi qu'elle a accueilli le corps de Charles le Chauve. Ça, c'est le parallèle avec Théodoric à Ravenne. Après, on a dit que c'était les fonds baptismaux de Clovis, ce qui est impossible, et c'était des fonds baptismaux pendant la période médiévale pour l'abbaye de Saint-Denis. À la vérité, on sait que les Carolingiens ont pas mal fait venir de porphyre. Pour mémoire, les colonnes de la chapelle Palatine à Aix, également la cuve en porphyre de la cathédrale de Metz, qui est probablement offerte par Charles le Chauve lors de son couronnement, qui est très belle. Donc c'est vrai que ça pourrait, comme pour le trône de Dagobert, correspondre à une forme d'accompagnement de la légende de Dagobert au Moyen-Âge, mais en fait ça serait plutôt une arrivée à l'époque carolingienne. Je dis ça serait, c'est une hypothèse, mais il ne faut vraiment pas s'interdire de le penser. Le porphyre, c'est un peu la couleur pourpre, le pourpre forcément impérial, puisque l'empereur porte l'or et le pourpre. C'est absolument sans doute la raison pour laquelle plus la rareté, la difficulté, la beauté de ce marbre rouge explique que le porphyre soit un apanage impérial. Nous montrons un manuscrit pourpré rarissime dans l'exposition parce que nous fréquentons un peu cette esthétique. J'ai même installé le petit pendentif de Maria qui est dans une très belle pierre rouge avec une inscription en or. Maria était l'épouse de l'empereur Honorius et elle était carvandale, si j'ose dire, puisque c'était la fille de Silicon lui-même, demi-vandale. Et ça nous montre bien que c'est les peuples venus de l'extérieur du Limès était déjà dans Rome au IVe siècle, puisque là le petit pendentif date autour de 400. Et bien tout cela correspond d'une esthétique rouge et or qui est le symbole de l'empereur. Les Mérovingiens, ce sont aussi des textes avec beaucoup d'écriture. Vous présentez d'ailleurs à cette occasion la première histoire de France, celle bien sûr de Grégoire de Tours. Et oui, bien sûr, c'est le premier historien de France. Et Grégoire de Tours, nous le montrons à deux reprises. Dès l'ouverture de l'exposition, pour illustrer son importance pour notre connaissance de l'histoire des Francs. Donc, il compose au milieu fin du VIe siècle. Donc, ça s'arrête pas à la fin des Mérovingiens. Son cousin Germain, ils sont tous les deux d'Auvergne. Venance Fortuna est aussi très important pour notre connaissance des Mérovingiens. Il est poète. Et à travers ses poèmes, lui décrit des aspects sur la cour mérovingienne. Donc, ces deux auteurs sont d'une grande importance. Un peu plus loin dans notre section écriture, nous montrons l'un des plus anciens manuscrits que nous ayons encore de l'histoire des Francs, puisqu'il est encore de la fin du 7e siècle, donc de l'époque mérovingienne. Donc il y en a très très peu d'exemplaires, mais Grégoire de Tours, évidemment, il est important pour l'histoire de France en général, et pour notre connaissance des Mérovingiens, il est capital. L'autre chronique très importante, c'est un recueil qu'on attribue par convention anonyme, qu'on attribue par convention à un certain Frédéguer, et qui lui, étant écrit le siècle suivant, nous permet d'avoir un petit peu plus de l'histoire des Mérovingiens, et puis la suite ensuite est prise par les historien carolingien. L'écriture, c'est aussi les scriptoria de Luxeuil et de Corbie. Oui, entre autres, il y a une cartographie des scriptoria qui est en train de se redessiner. C'est très dur d'attribuer une écriture précisément à un scriptorium, ne serait-ce que parce que les ouvrages bougeaient. Je vous prends un exemple très simple. On a dans l'abbaye de Luxeuil, au Moyen-Âge, des ouvrages qui maintenant sont plutôt attribués au scriptorium de Corbie, en Picardie donc. Il y a l'An, et puis j'aime bien toujours citer Lyon, parce que c'est une écriture très antique, de semi-onciale. Ça nous montre la diversité des écritures. C'est vrai qu'à Luxeuil et Corbie, il y a cet essai de minuscules dont les carolingiens se sont empressés de dire les premiers que les Mérovingiens écrivaient très très mal. Et en fait, c'est une tentative de calligraphie très intéressante qui nous donne une idée un peu de laboratoire de cette époque, ce qui reflète aussi les pratiques artistiques, c'est-à-dire tant dans le champ intellectuel, dans le champ de l'écriture, dans le champ de la sculpture, de l'orfèvrerie, on essaye plein de choses. Et c'est peut-être ça qui a rendu l'appréhension difficile pendant longtemps, parce qu'il n'y avait pas une ligne simple pour interpréter. Alors l'écriture en est un exemple absolument spectaculaire. Que l'on prenne la minuscule de Luxeuil, un peu difficile, que l'on prenne les lettres de Corbie très allongées, ou ces petits pictogrammes, je dis toujours que c'est la paléographie pour les nuls, L'An, parce qu'on ne peut pas louper, il y a des petits pictogrammes autour de certaines lettres, et là c'est le scriptorium de L'An. Vous présentez aussi Sermons et lettres de Saint-Augustin, du moins ce qui nous est parvenu. Alors on sait qu'il y a eu un tri, c'est toujours la sélection de la mémoire, il nous est parvenu quand même beaucoup de choses de Saint-Augustin. On voit bien que là aussi, l'époque mérovingienne est une courroie de transmission extraordinaire pour la tradition antique. Il y a aussi des ouvrages d'Isidore de Séville dans l'exposition qui attestent la continuité de la connaissance de ces grands auteurs. Alors Saint-Augustin, évidemment, c'est un père de l'Église, l'homme qui réfléchit à la nouvelle manière d'envisager notre univers, et qui le fait dans une langue sublime. Aujourd'hui encore, on est saisi par l'efficacité et la force de conviction de ce génie. Et on voit bien par la fréquence de sa présence dans ce qui nous reste, qui est une opération statistique, puisqu'on n'a pas tout, mais on peut supposer que Saint-Augustin est l'un des auteurs les plus importants pour la construction intellectuelle de la chrétienté mérovingienne. Nous parlons des Mérovingiens, mais que sait-on sur les Mérovingiennes ? Alors, il y a des idées, quand on parlait des idées reçues et du folklore, il y a l'idée que la femme mérovingienne, bon, il y a la sulfureuse Frédégonde, puis les adultères punis de horribles manières. Bon, alors moi, je suis un peu tendance à dire, je suis quelqu'un d'assez basique, hein, qu'il n'y a pas tellement de raisons qu'elles aient une place très importante, finalement, dans un univers qui était probablement là aussi hérité et qui perdure un petit peu jusqu'à aujourd'hui. Mais néanmoins, il y a quand même une reine, au moins, dans l'exposition, et puis une femme qui a des droits juridiques un peu impressionnants. Il y a d'abord Bathilde, reine. Pendant le temps entre la mort de son mari Clovis II et le moment où Clotaire III peut lui succéder, elle assure une régence. Elle est très bien connue parce que comme elle s'est retirée dans son monastère, je dis son monastère parce qu'elle l'a fondé. Elle a fondé Corbie pour les hommes et Chelles pour les femmes. Et on a, extraordinaire, non seulement la chasse qui la contient encore, qui a été fouillée, analysée, on sait qu'elle avait les cheveux teints au moment de sa mort, et nous montrons une relique qui lui est attachée depuis très longtemps, et ça semble tout à fait cohérent avec la date de sa mort, qui est une robe brodée, sur laquelle sont brodés des bijoux byzantins bien reconnaissables, et une magnifique croix, à l'image des croix du trésor de Guarazar. J'ai positionné à côté les deux œuvres d'ailleurs, pour que les gens voient ce qu'était l'objet qui est brodé, qui nous montre, me semble-t-il, que quoique retirée dans son monastère, elle n'en oubliait pas moins qu'elle avait été son rang. Et cette reine Bathilde est une des personnages phares. Elle a une histoire incroyable, elle est d'origine anglaise, elle a été raptée dans la plus pure tradition de l'esclavagisme, et en même temps elle a une existence extraordinaire qui aboutit au rôle de reine. Et il y a une charte qui est attribuée à une dame Clotilde qui nous relate qu'une femme peut avoir quand même des droits de possession, ce qui montre un rang un peu singulier tout de même. Alors la question reste ouverte. Notre partenaire sur ce sujet, ça a été Madame Nilen aux Archives nationales, qui se passionne pour la question et qui a écrit tant dans notre catalogue des choses assez intéressantes sur la manière dont il faut peut-être revisiter la place de la femme à l'époque mérovingienne. En tout cas, c'est l'émergence de la Sainte Reine Aragon, de Aragon, de Bathilde. Oui, et puis cette Aragonde, elle est extraordinaire pour nous dans l'exposition parce que ça fait, je dirais qu'après Childéric, c'est l'autre grande tombe incroyable qui a été mise au jour, beaucoup plus récemment, pour son bienfait, puisque c'est dans les années 1950 qu'elle est fouillée par Michel Fleury dans la crypte mérovingienne de Saint-Denis. Elle aussi, c'est une bague qui nous permet de l'identifier. On ne sait pas grand-chose sur elle. Elle est beaucoup moins connue que Bathilde. Mais sa tombe illustre à merveille la complexité aussi du mobilier qui accompagne ces personnages de très haut rang dans l'abbaye de Saint-Denis, puisqu'il y a des bijoux qui peuvent correspondre à plusieurs phases de création. Ils sont tous d'une richesse incroyable. Et ils nous renvoient au prestige et à la dimension somptuaire du mobilier qui peut accompagner une femme dans la tombe, ce qui évidemment alimente aussi la question du statut de la femme à l'époque mérovingienne. Oui, ces bijoux avaient posé des problèmes aux archéologues, des problèmes de chronologie d'ailleurs. Oui, ces bijoux posent des problèmes de chronologie quand on regarde dans le détail, et puis même de technique. Il y a des bijoux qui peuvent appartenir au monde byzantin, et pourquoi pas ? On sait qu'il y a plusieurs bijoux vraiment plutôt byzantins dans la crypte mérovingienne de Saint-Denis, et Constantinople, il suffit de penser à Ravenne, l'Italie du Nord est toute proche, les échanges diplomatiques sont incessants. Les œuvres vont et viennent, donc Aragonde a possédé des objets qui peuvent appartenir à des périodes qui la précèdent, à des œuvres un peu exotiques, et sa tombe reflète des fabrications de traditions assez différentes. C'est un ensemble magnifique de luxe qui étaient probablement les bijoux de son cœur. Le culte des saints ou des saintes au travers de reliques tient bien sûr une place prépondérante. Vous présentez d'ailleurs les authentiques de Chelles. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est le moment effectivement où le culte des reliques apparaît. Les monastères se construisent, les églises se construisent, il faut bien avoir de bonnes raisons d'avoir du monde dans ces églises. Alors, on construit les vies des saints, chaque personnage a des miracles qui lui sont associés, on a plusieurs exemples de saints dans l'exposition, Saint-Germain-de-Trèves étant peut-être le plus beau avec le miracle après sa mort, et évidemment il s'agit de dire que tout ça est bien vrai. Et donc c'est le concept de l'authentique de relique qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Vous avez des authentiques de reliques, Saint-Sulpicien, extraordinaire. Alors le principe est très simple, c'est une paperole qui vous dit c'est bien ce que c'est. Et nous avons sélectionné, qui proviennent de l'abbaye de Chelles, en effet, ils sont conservés aux archives nationales, 5 d'entre elles, il n'y en a pas beaucoup au monde, dont l'écriture est mérovingienne. On en a beaucoup, beaucoup plus pour les périodes plus récentes. Donc, l'écriture étant mérovingienne, on sait que ces authentiques ont été vraiment faits à l'époque mérovingienne, plutôt au 7e siècle d'ailleurs, sur la fin de la période. Et nous relate, alors on a choisi Sainte-Geneviève, on se fait plaisir, Saint-Germain, on a choisi aussi le poil de la barbe de Saint-Pierre, j'y tenais beaucoup. Et certaines d'entre elles ont des reliques à côté, d'autres non, ce sont juste les paperoles. Alors ces authentiques, il faut leur mettre en regard la tradition des petites châsses qui apparaît à cette époque. Le corpus de l'époque mérovingienne est phénoménalement restreint. Nous présentons 3 des quelques 5 ou 6 qui restent aujourd'hui au monde. Et ces petites châsses sont en maisonnette. Elles étaient suspendues au cou, elles sont miniatures. Ce sont les ancêtres de la châsse maison qui connaît une fortune incroyable dans l'art médiéval, notamment dans l'œuvre de Limoges. La légende noire donc des Mérovingiens qui a été créée dès les Pipinides, c'est-à-dire dès l'émergence de l'Empire carolingien en 751, et bien sûr avec Charlemagne. Cette légende noire va-t-elle s'arrêter un jour ? C'est vrai que pour justifier un coup d'État, il vaut mieux dire que les prédécesseurs n'étaient pas bien. Mais en même temps, c'est un peu plus complexe que ça. Il faut à la fois tuer l'ancêtre, mais en même temps avoir une lignée qui tienne un peu la route. Donc c'était ambigu. C'est vrai que les historiens du 19e et cet Augustin Thierry qui contribue à la redécouverte, mais en même temps contribue aussi beaucoup au véhicule de toutes ces idées reçues, n'ont pas forcément aidé l'image des Mérovingiens. Moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que c'est une histoire de migration réussie. Et dans nos temps terribles, j'aime bien filer la comparaison avec l'actualité immédiate et dire que des peuples qui bougent et que des peuples qui viennent, c'est pas forcément mal, et que ceux qui se construisent sur ce terreau absolument mélangé sont souvent des civilisations magnifiques. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Jean-Richard Dufour, avec la contribution d'Anne-Catherine Lechard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page de Carbone 14, sur le site de franceculture.fr, ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 partira dans les bois à la recherche d'art mésolithique.